Cours numéro 10. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salat wa salam ala Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dans notre dernier dars, on a étudié ensemble des versets sur al-Irada, l'attribut de la volonté. Iradatullahi subhanahu wa ta'ala. Et on a lu kalam Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah sur la différence al-farq bayna al-iradatayn al-kawniyya wa al-shar'iyya. Et كذلك اخذنا ما يتعلق بصفات المحبه. Anna Allah subhanahu wa ta'ala il a l'attribut de al-mahabba. Et avant de continuer, اقرا عليكم كلاما نفيسا للامام محمد بن صالح العثيمين rahmatullah alayh concernant al-ishkal. Et بعض الناس peuvent se poser la question sur al-irada al-kawniyya wa al-shar'iyya, ay كما قال شيخ العثيمين رحمه الله, اذا قال قائل كيف يريد الله تعالى كونا ما لا يحبه. Dans son charh, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayh, après avoir cité les différences entre l'irada al-kawniyya wa al-shar'iyya, ay l'irada al-kawniyya, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-muradifa lil-mashi'a, ay tout ce qui se passe, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette volonté, elle arrive forcément. Et cette volonté, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'aime pas forcément. Contrairement à l'irada al-shar'iyya, que Allah subhanahu wa ta'ala il l'aime forcément, et cette volonté elle n'arrive pas toujours. Maintenant Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné d'accomplir la salat et beaucoup de gens ils n'accomplissent pas la salat. Enfin, cette différence, si elle est comprise, wallahi alhamd, on n'aura pas hada al-ishkal, cette problématique elle ne se posera plus. Ay kayfa yuridu Allah ta'ala kawnan ma la yuhibbu. Ay comment comprendre أن الله سبحانه وتعالى il veut une chose et cette chose il peut ne pas l'aimer سبحانه. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله بمعنى كيف يريد الكفر أو الفسق أو العصيان وهو لا يحبه. Comment الله سبحانه وتعالى il peut vouloir الكفر والفسق والعصيان, أي كونا bien sûr une irada kawniya comme on a vu, alors qu'il n'aime pas ces choses. قال شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه, فالجواب أن هذا محبوب إلى الله عز وجل من وجه مكروه إليه من وجه آخر, فهو محبوب إليه لما يتضمن من المصالح العظيمة, مكروه إليه لأنه معصية. تقدم معنا dans le درس précédent, on avait fait la précision أن الله عز وجل c'est le حكيم. فتout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a voulu et tout ce qu'il veut سبحانه, c'est fondé sur la حكمة, sur la sagesse. Donc cette chose que Allah subhanahu wa ta'ala il déteste, fa fil haqiqa il aime les conséquences de ces choses, ou des choses plutôt, des points qui sont liés matalan à la mécréance ou au péché ou à la perversité, à l'innovation, etc. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله محبوب إليه لما يتضمنه من المصالح العظيمة. Et on va lire son kalam, inshallah ça va être plus clair. Et ces choses, ça va avoir pour conséquence ou comme conséquence des choses de azim. Madalan, celui qui fait des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire at-tawba, de se repentir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le repentir. Qala, wa la mani' min an yakun al-shay mahbouban makrouhan bi'atibarayn. Ay, si tu réfléchis et tu médites bien sur l'exemple que Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi l'a cité, qu'on va lire ensemble, tous les jours, peut-être qu'on vit cette situation, hey, une chose qu'on n'aime pas, lakin fil haqiqa c'est pour notre bien. Et le résultat de cette chose qu'on n'aime pas, fil haqiqa on l'aime. فمثلاً قال فها هو الرجل يقدم طفله الذي هو فلذة كبده والثمرة فؤاده يقدمه إلى الطبيب ليشق جلده ويخرج المادة al-mu'ziyah fih. Et ça c'est un exemple tayyib. Comme minan nas, beaucoup de gens ils sont concernés par hadan, leur enfant il tombe malade. Et l'enfant pour le père et la mère, c'est une des personnes qu'ils aiment le plus. Enfin, cet enfant rubama yuqaddimun, ils vont l'emmener à l'hôpital chez le médecin, et ce médecin il va faire une chose qui fera du mal à cet enfant. Peut-être qu'il va lui ouvrir la peau, peut-être qu'il va lui enlever une dent, peut-être qu'il va lui faire une chose. Et cet enfant, il va pleurer. Il va souffrir à cause de la douleur. Lakin, le résultat, c'est quoi? C'est pour le bien de cet enfant. قال شيخ ابن عثيمين ولو أتى أحد من الناس يريد أن يشقه بظفره وليس بالمشرط لقاتله. C'est pour ça que si واحد veut faire du mal à ton enfant alors qu'il n'y a aucune raison, là, chacun là, tu vas défendre ton enfant. Amma, ce docteur-là, peut-être qu'il va ouvrir un membre, une partie du corps de ton enfant avec un ciseau, avec mohim, avec du matériel que les médecins ils utilisent. Et là, chacun là, ça fait mal à l'enfant. قال رحمه الله لكن هو يذهب به إلى الطبيب ليشقه وهو ينظر إليه وهو فرح مسرور. Peut-être que les parents ils vont assister à ce que le médecin il fait. Ils vont voir cet enfant souffrir et pleurer. Lakin, malgré cette douleur qu'ils ont et malgré qu'ils détestent voir leur enfant dans cette situation, en même temps, ils aiment cette façon de faire, cette façon d'agir. Limadali annahu, c'est pour le bien de l'enfant. Donc tu peux détester une chose en elle-même et aimer les conséquences, aimer le résultat. قال رحمه الله يذهب به الى الطبيب ليحمي الحديد على النار حتى تلتهب حمراء ثم ياخذها ويكوي بها ابنه وهو راض بذلك لماذا يرضى بذلك وهو الم للابن لانه مراد لغيره. Et c'est cela le lien avec notre mas'ala. Est-ce que cette mère ou ce père ils veulent faire du mal à leur enfant hakada sans raison? Jamais de la vie. Là, cette façon de faire, et le but, c'est autre chose. Le but, c'est autre chose. C'est de le soigner, même si ça lui fait du mal. Et le but, c'est la guérison. Donc ça, c'est un exemple tayyib qu'on voulait lire ensemble pour bien vous montrer, vous clarifier, vous simplifier. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé et il a voulu la mécréance, il a créé Shaitan, il a voulu qu'il existe, la preuve il existe. Et hakada tous les péchés et beaucoup de mauvaises choses qui se passent, qui font du mal à l'être humain, lakin fil haqiqa, c'est pour son bien. Bien sûr, pour celui qui réfléchit, pour celui qui met en application son deen. Fa alhamdulillah. Et nastafid min hada, on a toujours à avoir husnul dhann bi rabbil alamin. Toujours avoir une bonne opinion de notre deen. Et faire attention à ba'd al-afkar. Enfin, notre religion, elle est parfaite. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim, c'est l'alim. Il a révélé hada ad-din au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, pour s'écarter des doutes, vous avez remarqué que l'ilm, ça aide beaucoup. Comme il y a des gens, ils ont ces choubahs. Et ils comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi toutes ces guerres? Pourquoi toutes ces maladies? Pourquoi tant de gens, ils souffrent? S'il y a un créateur, pourquoi tout cela? Les mains d'Ali-Annahoum, ils ont une pensée, s'il y aurait un créateur, il serait capable d'arrêter tous ces maux. Et ça, c'est une choubha khatira. Ils auraient compris de la masala, et Allah Azza wa Jal, c'est le hakim. Et l'être humain, lui-même, il fait des choses qui font mal, lakin pour avoir un résultat, pour une maslaha azima, pour un énorme profit. Allah subhanahu wa ta'ala, lahu al-mathalu al-a'la. Allah subhanahu wa ta'ala, il a qadr que les gens ils tombent malades, ils souffrent. Belle, dans certains endroits, ils s'entretuent les hikamin azim. Est-ce qu'on va patienter? Est-ce qu'on va se repentir? Est-ce que ça va nous servir de leçon? Et, hakada, ce bas monde, c'est une épreuve. والله المستعان. فهذا الكلام من شرح الواسطية الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه عند أو نعم على fin du chapitre sur les versets sur الإرادة. On revient au كلام de شيخ الإسلام ومتن. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقوله وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة وقوله وهو الغفور الرحيم وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فهذه الآيات شيخ الإسلام رحمة الله عليه il les a cités في عقيدته الواسطية pour montrer en Allah Azza wa Jal muttasifun bi sifati ar-rahma. Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de Ar-Rahma, la miséricorde, ou Al-Maghfira, le pardon. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى قوله بسم الله الرحمن الرحيم تقدم تفسيرها في أول الكتاب وتقدم معنا تفسير هذه الآية كثيرا كساسوا ندرس تفسير الفاتحة وأطر قال ومناسبة ذكرها هنا أن فيها إثبات الرحمة لله تعالى صفة من صفاته كما في الآيات المذكورة بعدها بسم الله الرحمن الرحيم فالله سبحانه وتعالى سي الرحمن et سي الرحيم وتقدم معنا on a étudié ensemble dans le livre précédent أو نعم dans le livre précédent et كذلك dans le قواعد المثلى أن chaque nom il renferme un attribut parfait فالله سبحانه وتعالى سي الرحمن donc il a l'attribut de الرحمة la miséricorde et كذلك سي الرحيم c'est un de ses noms عز وجل et هكذا الرحيم Et l'englobe Sifat Ar-Rahma, l'attribut de Ar-Rahma. Et Cheikh Al-Fawzan, هنا, il a cité Kalam Ibn Al-Qayyim, rahmatullah alayhi, l'imam, في كتابه, ou من كتابه بدائع الفوائد, pour montrer la différence entre les deux Rahma qui sont cités dans ces deux noms. فقال رحمه الله, قال الإمام ابن القيم رحمه الله, الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما فهذه المسألة العلماء إلا الست quand ils expliquent en général البسملة أي la différence entre اسم الرحمن et اسم الرحيم bien sûr les deux c'est des noms d'Allah عز وجل et les deux renferment l'attribut de la rahma لكن العلماء Ils ont cité des différences. Et parmi la différence qui est connue et qui est répandue, Anna Ar-Rahman, c'est une rahma pour tout le monde, ça englobe les croyants et les kuffars. Et Ar-Rahim, c'est une miséricorde, une rahma qui est réservée exclusivement aux croyants. Hada, c'est un qawl, c'est un avis. Et l'avis le plus juste, Wallahu ta'ala a'lam, c'est... L'avis de l'imam ibn al-Qayyib rahmatullah alayhi wa ghayruhu min ahl al-ilm. Fahuna il a démontré anna ar-Rahman dallun ala as-sifati al-qa'ima bih. Et anna Allah subhanahu wa ta'ala il a l'attribut de ar-Rahman. C'est ar-Rahman et il a l'attribut de ar-Rahman la miséricorde. Wa ar-Rahim dallun ala ta'alluqiha bil marhum. Ar-Rahim et anna Allah subhanahu wa ta'ala il a l'attribut bien sûr de la miséricorde et il fait miséricorde à qui il veut. Donc, Ar-Rahman, c'est l'attribut. Ar-Rahman, c'est l'attribut. Et Ar-Rahim, c'est Al-Fi'l, c'est l'action. Et en Allah, subhanahu wa ta'ala, il fait miséricorde. Qala, rahimahullah, وَلَمْ يَجِي قَطُّ رَحْمَانٌ بِهِمْ وَكَانَ الْأَوَّلِ لِلْوَصْفِ وَالثَّانِ لِلْفِعْلِ نعم, قوله, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا هنا, ça montre bien une action. En Allah, subhanahu wa ta'ala, il fait miséricorde aux croyants. فَلِهَذَا Dans le verset, on a le nom Rahim. On n'a pas le nom Rahman. Enfin, Rahim, c'est pour l'action. قال والثاني للفعل. فالأول دال على أن الرحمة وصفه والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. نعم. Donc le premier, c'est une صفة le premier, c'est une صفة ذاتية. الرحمن. Et le deuxième, الرحيم, c'est الرحمن الصفة الفعلية. Et Auparavant, dans les durus, al-qa'id al-mutla, on avait expliqué la différence entre as-sifa al-dhatiyya et as-sifa al-fi'liyya. As-sifa al-dhatiyya, on peut résumer, huna, c'est des attributs que Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours eu. Et il aura toujours. Et il n'y a pas un moment où il n'a pas cet attribut. Comme, مثلاً, l'attribut de la vie, du visage, des mains, de la science, de la capacité, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours ses sifas, il les aura toujours. وَلَا تَنْفَكْ عَنْ Subhana. Ça, c'est des sifas dhatiyya. Al-fi'liyya, c'est les attributs, يقول أهل العلم, المتعلقة بالمشيئة. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il veut, il fait cette action. Donc, Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a toujours eu. Ar-Rahman. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait miséricorde à qui il veut. Ar-Rahim. Hada, on précise, c'est quand les deux noms ils sont cités dans le même texte. C'est comme l'islam ou l'iman. quand ils sont cités dans le même texte, al-islam, c'est pour les œuvres apparentes, et al-iman, c'est pour la croyance dans le cœur. Mais quand l'iman il est cité tout seul, là, chaque que s'englobe les œuvres apparentes. Et quand l'islam il est cité seul, bien sûr, ça englobe les œuvres du cœur. Donc en langue arabe, et là, ça arrive dans beaucoup de, avec beaucoup de mots, quand deux mots, rien, ils sont cités dans le même texte, chaque mot, il a un sens. Un sens différent de l'autre. Et quand un de ces deux mots, il est cité seul, il englobe l'autre. Et on a un exemple avec Ar-Rahman et Ar-Rahim. Wallahu a'lam. قال وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما هذا حكاية عن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله أنهم يستغفرون للذين آمنوا فيقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. Donc le verset il est clair أن الله سبحانه وتعالى له صفة الرحمة والعلم. Et ce علم et cette miséricorde, ces deux attributs, ils englobent toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait miséricorde à qui il veut. Et tastafid min hadha min hadhihi al-aya anna tes péchés, quoi que tu aies fait, fa rahmatullahi subhanahu wa ta'ala a'zam wa akbar. Donc ne désespère jamais, akhi al-karim. Ba'd an-nas, ils ont fait certains péchés, bel des grands péchés, des graves péchés. Et le shaitan, il leur fait croire que c'est plus possible de faire tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne lui pardonnera pas. Et ce verset, bi-idhnillahi azza wa jal, c'est une bouchra. C'est une bonne annonce pour, on ne dit même pas pour chaque croyant, mais pour chaque être humain. Hatta al-kafir, si il réfléchit, et yaqra mitl hadhihi al-aya, rubbama, ça le pousse à se repentir. Hatta al-kafir, si il se repent, et il rentre fi din l'islam azza wa jal, fi din l'islam dinullah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala il lui pardonnera. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Qala rahimahullah wa qawluhu, on passe au verset suivant. وقوله وكان بالمؤمنين رحيما هذا إخبار من الله سبحانه أنه رحيم بالمؤمنين يرحمهم في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم وبصرهم الطريق الذي ضل عنه غيرهم فالله سبحانه وتعالى بالمؤمنين رحيما وهذه الرحمة cette miséricorde pour le croyant, bien sûr ce croyant en profitera dans l'au-delà, et que dhalik fit dunya, dans ce bas monde. Et Cheikh Al-Fawzan, il a cité un exemple, قال, amma fi dunya fa innahu hadahum ila al-haq. Le fait qu'une personne elle soit guidée, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala, fa c'est min a'zam al-rahmat. C'est une rahma azima. C'est pour ça que, en tant que croyant, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné quelque chose de عظيم. فلا تغتر بما في يد الكفار في اعداء الله انهم ils ont beaucoup de moyens, ils ont des biens, peut-être que tu n'as pas, peut-être que toi tu es touché par la pauvreté ou la maladie ou certaines épreuves, لكن الله سبحانه وتعالى si il t'a guidé, il t'a donné la chose la plus importante. C'est pour ça qu'on doit être reconnaissant. On ne doit pas regarder que les bienfaits mondains de ce bas monde et oublier la plus grande ni'ma. Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, fa innahu hadahum ila al-haq alladhi jahilahu ghayruhum. Combien de personnes l'an ils vivent fi dhulumat al-jahl wal kufr wal ilhad. Beaucoup de gens, ils sont dans l'obscurité l'an. Ils sont dans le kufr, la mécréance claire. Wa'dhuhum même l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne croient plus. Ils pensent que dunya. Et là, chacun d'entre eux mourront. Et s'ils meurent sur leur mécréance, ils profiteront en rien de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha li anna rahmat Allah azza wa jal fil akhirah, c'est que pour les croyants. Dans l'au-delà, c'est que pour les croyants. Tastafid min hadha kadhalik anna rahma ala naw'ayn. Il y a deux catégories. Rahmatun amma wa rahmatun khassa. Ce qu'on vient d'expliquer, Al-An, c'est Ar-Rahma Al-Khassa qui est réservé que pour les croyants. Dans ce bas monde, la guidée, la science, la foi, etc. Et dans l'au-delà, le paradis. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala min fadli. Wa hunaka rahmatun 'amma, tout le monde en profite, même le kuffar. Mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala yarham fulanan min an-nas avec des biens, avec de la nourriture, avec la bonne santé. Hatta al-kuffar, ils profitent de ça. Ils sont en bonne santé, ils mangent, il a akhiré. Tout ça, c'est min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Lakin, cette rahma, elle est que fi dunya. Fahmadillahi subhanahu annahu rahimak fi dunya. Depuis que tu es petit, et réfléchis sur toutes les étapes de ta vie. Allah subhanahu wa ta'ala yuhib al-mu'minin wa yahfadhum wa yarhamuhum subhanahu. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala yabtali ibadah. Pourquoi? Parce que c'est le hakim. Et ce bas monde, c'est pour nous tester. Fais patiente. Et regarde les bons côtés. Nas, il regarde que les mauvais côtés. Il manque de telle chose, il manque de telle chose, il n'a pas telle chose. Il a été touché par telle chose. Et il regarde pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé, il lui a donné, il l'a guidé. Peut-être qu'il est en bonne santé, peut-être qu'il a un toit. C'est pour ça que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme a déjà avis hadith, dans un hadith, Annahu, il nous a enseigné Anna, tout ce qui concerne le bas monde. Regarde ceux qui sont en dessous de toi, daiman. Regarde pas ceux qui sont au-dessus de toi. Anta, tu as un toit, certains ils n'ont pas de toit. Ce toit que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, c'est min rahmatihi. Tu es en bonne santé, ou plutôt tu es atteint d'une maladie. Enfin, certains ils ont une maladie beaucoup plus grave. Tu as perdu telle chose, enfin, certains cette chose ils l'ont jamais eue, aslan. Et fais Omar Din, regarde toujours ceux qui sont au-dessus de toi pour faire des efforts. Enfin, si tu as appris telle chose, enfin, rappelle-toi toujours que certains ils ont appris beaucoup plus et ça te motivera. Si tu as réussi à appliquer cette chose, enfin, regarde ceux qui ont fait beaucoup plus d'efforts, et bien, idnillahi azza wa jal, ça va te motiver. Qala Cheikh Al-Fawzan, hafidhahu Allah ta'ala, wa bassarahum al-tariq alladhi dhalla anhu ghayruhum. وأما رحمته بهم في الآخرة فآمنهم من الفزع الأكبر ويدخلهم الجنة وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا وهذه الكتابة كونية قدرية لم يوجبها عليه أحد. نعم الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة أي الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه. Personne ne peut rendre une chose obligatoire à Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait ce qu'il veut, lakin lui-même, Azza wa Jal, awjaba ala nafsihi, hadhihi ar-rahma. Limada, pour faire miséricorde à ses serviteurs. قال وقوله وهو الغفور الرحيم يخبر سبحانه عن نفسه أنه متصف بالمغفرة والرحمة لمن تاب إليه وتوكل عليه ولو من أي ذنب كان كالشرك. Et ça, c'est le fruit de هذا الإيمان العظيم. Celui qui a cette croyance, qui est convaincu en Allah, Azza wa Jal, c'est Ar-Rahman, c'est Ar-Rahim, c'est Al-Ghafour, c'est Al-Ghaffar, subhanahu wa ta'ala. Même si il a fait un péché, même si ce péché il est grave, enfin, il ne désespère pas. Il ne désespère pas, bel yatoub il Allah. Il demande pardon et il se corrige. Sans basculer, iyadam billah, fi al-amn, min makrillahi subhanahu wa ta'ala. Et yana l'insan, il se sent à l'abri et il se croit à l'abri. Yana ba'danas, ils exagèrent. C'est pour ça que Cheikhoul Islam, rahmatullah alayhi, juste après avoir cité al-rahma wa al-maghfira, il a cité al-ghadab, an Allah subhanahu wa ta'ala yaghadab, et an Allah subhanahu wa ta'ala, il est shadid ou l'iqab, an Allah subhanahu wa ta'ala, il est dur en châtiment. Si tu arrives à rester sur ce juste milieu, et tu as la conviction en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Arhamur Rahimin, il pardonne tout. Si l'insan, bien sûr, il fait les causes, et si Allah subhanahu wa ta'ala, il veut. Et que ذلك, en Allah subhanahu wa ta'ala, il est shadid ul-iqab, il est très très dur en punition. Enfin, ça va te permettre de te corriger. Si tu fais une erreur, tu ne désespères pas. Et que ذلك, tu ne te laisses pas aller en pensant que tu vas être à l'abri. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le ghafour, c'est ar-rahim. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tout. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tout. Et si l'insan, ayyadan billah, il a fait une chose parmi les annulatifs de l'islam, fallait aboud min tawba. Il est obligé de se repentir. Et s'il si meurt en étant croyant, il est tahta mashi'atillah. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il veut, il lui pardonne. Et s'il est mort et il a fait certains péchés, même si Allah subhanahu wa ta'ala, il le châtie, le croyant, il rentrera forcément au paradis. Amma celui qui meurt à la shirk al-akbar, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne lui pardonnera pas. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين et c'est la même explication que les versets précédents. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى الشاهد من الآيات الكريمة أن فيها وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة على ما يليق بجلاله كسائر صفاته. La voix des gens de la sunna. Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets, et bien sûr il y en a beaucoup d'autres, Cheikh l'Islam il en a cité quelques-uns, il nous a informé annahu ila sifatu ar-rahma, l'attribut de la miséricorde. Enfin, on dit Allah subhanahu wa ta'ala il a l'attribut de la miséricorde. Et كذلك ان من اسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم الغفور, on dit anna Allah subhanahu wa ta'ala il a ces noms. قال وفيها الرد على الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن ينفون عن الله اتصافه بالرحمة والمغفرة فرارا من التشبيه بزعمهم. On revient toujours au même point. أن ceux qui ont rejeté les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, imma complètement, imma partiellement. Al-Mu'tazila ou Al-Jahmiya, ils ont rejeté tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Aja'ira, ils ont accepté certains, ils ont rejeté d'autres. Et on a déjà précisé, أن même les attributs qu'ils ont acceptés, car صفات الكلام فيثبتونها لا كإثبات أهل السنة والجماعة. Même certains attributs qu'ils ont acceptés, en fait, ils les ont déformés. Et ils n'ont pas suivi les salafs dans la compréhension. Et ça, c'est un point qu'on a déjà vu et qu'on reverra ensemble, بإذن الله. فشبهة هؤلاء جميعا, c'est هنا مثلا il dit si tu dis que Allah سبحانه وتعالى il a l'attribut de الرحمة, pour eux, automatiquement, ils pensent et ils font le rapprochement avec la miséricorde de l'être humain. Enfin, la miséricorde de l'être humain, elle est fondée sur quoi? Elle est fondée sur certaines choses. C'est des manquements, c'est des faiblesses. C'est pour ça que, tellement qu'ils ont de la rahma envers une chose, envers une personne, peut-être que ça les pousse à faire un interdit, ou à délaisser une obligation, ou à fermer les yeux dans certaines choses. Mouhim, des faiblesses. فهم قالوا comment dire après cela que Allah il a l'attribut de الرحمة. C'est toujours la même chose. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Allah c'est السميع, c'est le بصير, c'est الرحمن, c'est الرحيم, c'est le غفور, et il ressemble pas aux créatures. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas comme la miséricorde des êtres humains. فلهذا قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى قالوا أي هؤلاء الضلال لأن المخلوق يوصف بالرحمة وتأول هذه الآيات على المجاز وهذا باطل. الجهمية والمعتزلة ils ont rejeté l'attribut complètement. الأشاعرة vu que le verset il est cité في القرآن, on a lu quelques versets من كلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه, فهم ils ont fait du تأويل, في الحقيقة c'est du تحريف, ils ont déformé, ils ont dit نعم الله سبحانه وتعالى قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما. Ils ont dit نعم, لكن الرحمة pour eux ça veut dire quoi? اسمع كلام شيخ الفوزان حفظه الله. لأن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفة ورحمته سبحانه ليست كرحمة المخلوق حتى يلزم التشبيه كما زعموا. قال فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هم qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit anna ar-rahma, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il veut le bien de cette personne. Ils ont expliqué sifat ar-rahma avec sifat al-irada. Ar-rahma pour eux c'est iradatu al-thawab. مثلاً قوله وكان بالمؤمنين رحيما, أي نحن l'explique à la tariqa al-salaf anna Allah subhanahu wa ta'ala بالمؤمنين رحيما, أي il fait miséricorde aux mu'minin. Hum, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit la miséricorde en fait c'est Allah, il veut leur bien et il les récompensera. Ba'dhum, ils ont expliqué la rahma par la récompense directement, et ba'dhum, ils ont expliqué la rahma bi iradati al-thawab. Allah subhanahu wa ta'ala il veut les récompenser et il les récompensera. نكمل كلام شيخ الفوزان حفظه الله ثم أولي من كلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله رد جميل قال والاتفاق في الاسم لا يقتضي الاتفاق في المسمى. Et ça, c'est une règle qu'on doit tous comprendre et maîtriser pour ne pas avoir ce genre d'ambiguïté dans ce chapitre très très important. أي عقيدة السلف والاتفاق في الاسم, le fait d'avoir le même nom. قال لا يقتضي الاتفاق المسمى, ça veut pas dire que les choses elles sont identiques. Allah subhanahu wa ta'ala, il a une vie, c'est le hayy, c'est le qayyum. L'être humain, il a une vie. Est-ce que les deux vies elles sont identiques? Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours existé. Amma l'être humain, il faisait partie du néant, il n'existait pas, c'est Allah qui l'a créé. كذلك l'être humain il mourra, Allah subhanahu wa ta'ala il goûtera jamais à la mort. C'est le hayy, c'est le qayyum. وتوكل على الحي الذي لا يموت. كذلك l'être humain, sa vie, il est obligé de manger, de dormir, de boire. Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ces choses, il n'en a pas besoin. Subhanahu. كذلك l'être humain, il a beaucoup de défauts, beaucoup de manquements, il oublie. Il a akhir. Combien de choses se trompe. Il peut s'égarer, iyadan billah. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-malik, c'est al-quddus, c'est al-jabbar, c'est al-aziz, c'est al-hakim. Donc, pour revenir à la règle, les tefar fil ism, le fait d'avoir les mêmes noms, ça ne veut pas dire que al-musamma est celui qui porte ce nom, il est identique à celui qui porte le même nom. Al-ittifaq fil ism, qala rahmahullah, la yaqtadi al-ittifaq fil musamma. Qala falil khaliq sifatun taliqu bihi wa takhtassu bihi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a des attributs. Donc quand tu entends un Allah azza wa jal, il a l'attribut de la miséricorde. Et on va lire inshallah le chapitre suivant, le chapitre de l'attribut de al-ghadab, la colère. Kadhalik Allah, il a un visage, il a des mains. Ne fais pas la liaison ou la comparaison où tu essaies de faire ou comprendre que c'est les mêmes attributs que l'être humain. Abadan. Allah, il a des attributs taliqubih. Vu que Allah, il est parfait, enfin, ses attributs, ils sont parfaits. L'être humain, il a certains attributs, bien sûr. Il voit, il entend, il a une vie. Lakin, toutes ses caractéristiques, c'est par rapport à l'être humain et sa faiblesse et ses défauts et son imperfection. Fa, hada, ma yata'alak bi, هذه الصفة صفة الرحمة وكذلك المغفرة الله سي الرحمن الرحيم سي الغفور. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أي ردا على الذين انحرفوا في هذا الباب dans son شرح الواسطية وأنكر الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل أن يكون الله تعالى متصفا بالرحمة. قالوا لأن العقل لم يدل عليها, وثانيا لأن الرحمة رقة وضعف وتطام للمرحوم, وهذا لا يليق بالله عز وجل. Donc الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل, ceux qui se sont égarés dans ce domaine, et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs, ils ont rejeté هذا, ils ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il pouvait pas avoir l'attribut de la miséricorde, c'est pour ça que ils se sont sentis obligés d'expliquer. Et en fait, ils ont déformé et ils se sont égarés. لماذا لأن pour eux, الرحمة رقة وضعف. Ils ont comparé cette rahma مثلاً avec la rahma de la mer. La rahma, la miséricorde de la mer, bien sûr, elle est fondée sur de la faiblesse. C'est pour ça que la mère d'un enfant, tellement qu'elle a de la miséricorde envers cet enfant, elle veut le protéger et elle fait du mal à son enfant. Au lieu de le corriger, de lui montrer, elle cache ses défauts, elle se tait, elle le renforce dans certaines choses mal, ou elle l'appuie plutôt, et ça fait du mal à l'enfant. C'est quoi qui a poussé cette mère à faire ce mal? C'est pas une mauvaise intention, là, c'est Ar-Rahma, c'est sa miséricorde. Enfin, bon, ils ont fait la comparaison, ils ont dit là, la Rahma pour eux, c'est fondé sur la faiblesse, donc sur des imperfections, et Allah, il est parfait. Et كذلك, ils ont dit, أن العقل لا raison elle accepte pas هذا. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وهذا لا يليق بالله عز وجل. Ça c'est قول هؤلاء المنحرفين. Ils ont dit, on peut pas dire que Allah il a l'attribut de la miséricorde, لأن الله أعظم من أن يرحم بالمعنى الذي هو الرحمة. ولا يمكن أن يكون لله رحمة. Et pour eux, c'est pas possible qu'Allah il a de la rahma, de la miséricorde. Pourquoi on revient toujours? Les Anahoum, ils ont comparé plutôt à l'être humain. وقالوا المراد بالرحمة إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه أي إما النعم أو إرادة النعم. Donc ils ont expliqué الرحمة par la volonté. تأملوا هنا الأشاعرة يثبتون صفة الإرادة. Ils ont accepté l'attribut de la volonté. Hey, le cours qu'on a vu précédemment. Enfin, ils expliquent Ar-Rahma imma par iradatul ihsan, hey, iradatul thawab. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut récompenser un tel et un tel. Imma par la récompense elle-même. Allah subhanahu wa ta'ala, il a de la miséricorde, hey, la récompense. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, fa ta'ammal al-an kayfa salabu. Al-salb, ça ressemble au mot al-nafi, nafaw. قال هذه الصفة العظيمة التي كل مؤمن يرجوها ويؤملها كل إنسان لو سألته ماذا تريد قال أريد رحمة الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. C'est très très grave الحقيقة. كما قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله, chacun de nous on espère هذه الرحمة. Chacun de nous on souhaite que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, il nous fasse miséricorde. انظروا طريق أهل الضلال. Non, pour eux, il n'y a pas de rahma. Ar-rahma, pour eux, c'est autre chose. C'est la volonté de récompenser. Fal-haqiqa, et on revient toujours au même point. Oula, ils ont expliqué l'attribut par ce que ça implique. Bien sûr que si Allah, subhanahu wa ta'ala, yarham al-ibad, s'il fait miséricorde à un croyant, ici-bas et dans l'au-delà, il le récompensera. Et les croyants, ils iront au paradis. Lakin, ils ont expliqué par la conséquence de la tribu et ils ont rejeté la tribu. Amma nahnu, on accepte tout ce qui est basé sur des preuves. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a informé dans son livre wa hakada son messager sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths an Allah azza wa jalla lahu sifatur rahma, il a l'attribut de la rahma, on accepte. Et كذلك on accepte bien sûr an Allah subhanahu wa ta'ala il récompensera ses serviteurs. On rejette pas la tribu en acceptant فقط les conséquences. هذا من طريق الانحراف. قال أنكروا هذا قالوا لا يمكن يوصف الله بالرحمة ونحن نرد عليهم قولهم من وجهين بالتسليم والمنع. La même méthodologie qu'on a vu ensemble il y a quelques cours من كلام شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. التسليم أن نقول هب أن العقل لا يدل عليها ولكن السمع دل عليها. Et ça c'est un جواب طيب. أن quand on voit que certains s'accrochent trop à la raison, alors qu'à la base, et on n'a aucun doute, c'est que la raison ne contredit pas les textes. Lakin, min bab al-jadal, on dit à haoula, na'am, si on suppose et on accepte que la raison, elle n'accepte pas hada. Lakin, on a des textes clairs. Enfin, pourquoi tu délaisses les textes pour suivre ta raison? Pourquoi tu délaisserais pas ta raison pour suivre les textes? Léana, quand il y a une contradiction, t'es obligé de délaisser une des deux choses. Quand deux choses, elles se contredisent, t'es obligé de choisir une chose et de délaisser l'autre. Enfin, les Mahdi, ils ont choisi la raison, ils ont délaissé les textes. Maintenant, on leur dit, on fait le contraire. On prend les textes et la raison, c'est pas grave. Ah, ça, c'est awwalan, c'est la première réponse. Qala, fa tuthbit bidalilin akhar wal qa'idatul amma inda jami'il uqala an intifa' al-dalil al-mu'ayyan la yastalzim intifa' al-madlul. C'est une réponse طيبة. Si on accepte, on suppose plutôt que la raison, c'est un délil. C'est une preuve, c'est un argument pour accepter les attributs. Alors que ce n'est pas une preuve. Les preuves, c'est le Coran ou le Sunna. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'invisible. La raison, elle n'a pas de place. La raison, elle suit, bien sûr. Enfin, si on prétend, on suppose comme eux, que la raison, c'est une preuve, enfin, on n'a pas de preuve dans la raison, on a une preuve dans le Coran. Et une preuve, ça suffit. Est-ce que quand tu vas accepter une chose, tu es obligé d'avoir des preuves dans tout? Là, une preuve, elle suffit. Et on a plusieurs preuves du Coran. Donc, pourquoi ne pas accepter? قَالَ فَهَبْ أَنَّ الرَّحْمَ لَمْ تَثْبُتْ بِالْعَقْلِ لَكِنْ تَثْبُتْ بِالسَّمْعِ. السَّمْعِ, أي le Coran et la Sunna, أي les textes. قال وكم من أشياء ثبتت بأدلة كثيرة. أما المنع أي on accepte pas que le fait de dire la raison elle accepte pas, la raison n'aime elle accepte pas cet attribut. قال فنقول إن قولكم إن العقل لا يدل على الرحمة قول باطل. Ça c'est totalement faux. Alors, la raison elle accepte pas que Allah subhanahu wa ta'ala il a l'attribut de la miséricorde. قال بل العقل يدل على الرحمة فهذه النعم المشهودة والمسموعة وهذه النقم المدفوعة ما سببها؟ إن سببها الرحمة بلا شك ولو كان الله لا يرحم العباد ما أعطاهم النعم ولا دفع عنهم النقم. C'est pour ça que tout le monde accepte cet attribut. Tu demandes à n'importe quel musulman, quel que soit son niveau dans la science, bien sûr, autre que ses égarés, tu prends un de la masse qui ne connaît pas les groupes Al-Ash'ari, Al-Jahmiya, il ne connaît rien de tout cela, et tu lui demandes est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala yarham, et c'est Ar-Rahim, c'est Ar-Rahman. La question peut-être qu'il va douter de toi, tellement que c'est évident. Mais ce croyant, il espère que ça, il espère que cette rahma. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, huna, rahmatullah alayhi, il a montré là, tout ce que tu as combien fait. La bonne santé, tu manges, tu bois, tu marches, tu entends. La pluie, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé pour nous, tout ça c'est min rahmatillah. Tout ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a donné pour nous faire miséricorde. قال c'est pour ça que c'est من آثار رحمة الله عز وجل. قال وهذا أمر مشهود يشهد به الخاص والعام أو الخاص نعم وهذا أمر مشهود يشهد به الخاص العام كأنه يمانك حرف الواو. قال والعام في دكانه أو سوقه يعرف أن هذه النعم من آثار الرحمة. نعم c'est من آثار رحمة الله. الله سبحانه وتعالى il a créé ces choses, toutes ces نعم qu'on profite, nourriture, boissons, bonne santé, etc. Il nous a créé ces choses pour nous faire miséricorde, subhan. Enfin, la miséricorde, c'est son attribut. Et ces choses, il les a créées parce qu'il a cet attribut, subhan. Donc, même Al-Ami Fidoukan, le commerçant, qui connaît rien de toutes ces divergences, qawlu la sha'ira, qawlu la sunna, il connaît pas tout ça. Limadha li anna haoula, ils sont... Ils n'ont pas étudié l'ilm. Malgré cela, leur fitra et leur raison, ils acceptent cet attribut. Donc, ça montre أن الأشاعرة c'est des ضلال. Ils se sont égarés في هذا الباب un ضلال بعيد. Et يتناقضون, ils se contredisent كثيرا. فمن تناقضاتهم أنهم ils ont accepté صفات الإرادة. Alors que l'être humain كذلك, il a cet attribut. قال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Combien de versets أن الإنسان يريد, combien de أحاديث. On a une volonté et Allah subhanahu wa ta'ala il a صفات الإرادة, ils l'ont accepté. Enfin, pourquoi dans ce cas-là ils l'ont accepté alors que l'être humain كذلك إلا. Enfin, ils vont te dire là Allah subhanahu wa ta'ala il a une volonté, c'est pas comme la volonté de l'être humain. Enfin, on dit la même chose pour صفات الرحمة كذلك. Si tu demandes à une personne de la masse qui ne connaît pas ce sujet sur l'attribut de la volonté, peut-être qu'il y a certaines choses qu'il va ignorer. Peut-être qu'il aura beaucoup de mal à comprendre, au moins de facilité à comprendre que l'attribut de Ar-Rahma. Donc ça nous montre. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité Hadha al-Kalam, lakin c'est assez long et on l'a déjà lu avec certains frères dans d'autres durus. Il a démontré Al-Aql, il montre plus, il accepte plus, plutôt, l'attribut de la miséricorde que l'attribut de l'irada. Et eux, ils ont accepté, et l'Ash'ari, ils ont accepté l'attribut de la volonté de l'irada, ils ont rejeté l'attribut de Ar-Rahma, ils l'ont déformé. هذا كلام جميل de l'Allama Cheikh Mohammed bin Salih Al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi, dans son shurah. Pour conclure, هذا الباب, أي صفات Ar-Rahma, on peut lire قوله rahmatullah alayhi, أي كلام Cheikh Al-Uthaymeen, les fawaid, si on a cette croyance, ay an Allah subhanahu wa ta'ala lahu sifatu ar-rahma wal maghfira. Qala al-amr al-maslaki, ay al-fawaid, est-ce que tu vas retirer, tu vas profiter de cette croyance, huwa an al-insan ma dama ya'rif an Allah rahim fa sawfa yata'allaq bi rahmatillah. C'est pour ça que fil haqiqa tu te demandes comment ils font haoula al-jahmiya wal mu'tazila et même al-ash'ira. Comment ils font pour avancer dans leur dîn? Al-Jahmiya, ils n'ont plus de dîn. C'est des kafaras. لكن الأشاعرة مثلا comment ils font si tu n'as pas la conviction en Allah سبحانه وتعالى له صفة الرحمة même avec leur interprétation إلى آخره الحقيقة tu te demandes comment ils font لأن المؤمن il espère هذا et c'est une cause de motivation et ça fait partie de notre croyance قال فيحمله هذا الاعتقاد على فعل كل سبب يوصل إلى الرحمة et هذا c'est un point important أن espérer la miséricorde d'Allah سبحانه وتعالى avoir la croyance que Allah il a cet attribut c'est une chose et c'est très très important لكن mettre en application c'est une autre chose هذه الرحمة la miséricorde d'Allah سبحانه وتعالى ça suffit pas de l'espérer sans faire de cause فلهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيحمله اي celui qui a cette croyance cette conviction cette foi va le pousser à faire les causes pour qu'Allah سبحانه وتعالى il lui pardonne et lui fasse miséricorde قال مثلا الإحسان قال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين الله سبحانه وتعالى il fera et il a fait et il fait miséricorde aux محسنين المحسنين c'est أهل الإحسان et الإحسان bien sûr il est مع الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال جبريل في الحديث et النبي صلى الله عليه وسلم quand il lui demandait Mal iman, mal ihsan. Ou plutôt, Jibril qui a posé les questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mal islam, mal iman, mal ihsan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu. Al ihsan an ta'bud Allah ka annaka tara. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Si toi tu ne le vois pas, fa Allah il te voit. Fa adore-le comme si tu le voyais. Fais des causes. Fa adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une cause pour qu'Allah il nous fasse miséricorde. Qala wa taqwa. قال عز وجل فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون فسأكتبها أي الرحمة الله سبحانه وتعالى يفرغ ميزيريكورد أكي للذين يتقون التقوى سأبليكي سون دين أبيغ الله سبحانه وتعالى سكارتي de ses interdits espérer la récompense craindre son châtiment tout cela ça nous montre أن ceux qui font des péchés, qui font aucun effort et ils prétendent « Allah subhanahu wa ta'ala, il est ghafour, il est rahim » ils n'ont pas suivi le droit chemin. Il y en a, si tu as vraiment la conviction qu'Allah c'est ar-Rahman et ar-Rahim et tu aimes Allah, tu aimes son messager, ça doit te pousser à faire des efforts. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le ghafour rahim, on n'a aucun doute. Laquelle la question qu'on doit se poser, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner à toi الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين ورحمته وسعت كل شيء on a aucun doute في هذا لكن est-ce qu'on va en profiter c'est ça la question qu'on doit se poser بعض الناس ils informent ils font des péchés مثلا ils disent الله il est غفور الرحيم نعم on est tous d'accord هذا لكن أنت est-ce qu'il va te pardonner moi est-ce qu'il va me pardonner je ne peux pas juger les autres on ne peut pas juger les autres là, non, on ne sait pas لكن on doit faire les efforts fais des efforts et اتق الله عز وجل كن من المحسنين توكل على الله في الصلاة apprends ton دين unifie Allah سبحانه وتعالى dans l'adoration التوحيد c'est من أعظم أسباب الرحمة écarte-toi du shirk الشرك c'est من أعظم أسباب العقاب celui qui met على الشرك الأكبر الله lui pardonne غفار والله المستعان ثم قال رحمة الله عليه وقوله on revient au متن كلام شيخ الإسلام وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون هذه الآيات شيخ الإسلام رحمة الله عليه les a cités dans sa عقيدة pour montrer أن الله سبحانه وتعالى il a l'attribut de الرضا يرضى رضي الله et الرضا c'est être satisfait الله سبحانه وتعالى il est satisfait de certaines personnes de certaines œuvres وغضب صفة الغضب الله سبحانه وتعالى il se met en colère certaines choses elles le rendent en colère سبحانه وتعالى وسخطه السخط Ça ressemble à Al-Ghadab. Ou Al-Karahiyya. Ça ressemble à Al-Bourd. Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste certaines choses. Ou Hakadha Al-Maqt. Kama Sayati Kabura Maqtan Inda Allah. Enfin, tout ça, c'est des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ الفوزان حفظه الله قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه أي رضي عنهم بما عملوه من الطاعات الخالصة له. فالله سبحانه وتعالى رضي عن هؤلاء les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis et qui les suivent jusqu'au jour dernier, Allah subhanahu wa ta'ala radiya anhum, yarda anhum. Ça veut dire quoi? Ay radiya anhum ma amiluh. Il est satisfait de ce qu'ils ont accompli. Qala wa ridha minhu subhanahu wa raf'u darajatin na'im. Qala Allah ta'ala wa ridwanum min Allahi akbar wa ridahum anhum. هو رضا كل منهم بمنزلته حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي. نعم. فالله سبحانه وتعالى il est satisfait de ses croyants et ses croyants ils sont satisfaits d'Allah سبحانه وتعالى. أي ils acceptent ce que Allah سبحانه وتعالى il leur a donné. Ils sont satisfaits et كذلك يشكرون ils sont reconnaissants. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية الشاهد منها سيقوله وغضب الله عليه أي celui qui tue un مؤمن volontairement فالله سبحانه وتعالى يغضب عليه ويلعنه الله سبحانه وتعالى il se met en colère contre lui. Et le verset suivant وقوله ذلك بأنهم قال الشيخ الفوزان أي ما ذكر في الآية قبلها من شدة ما ذكر في الآية قبلها من شدة توفي الملائكة للكفار من أجل أنهم اتبعوا ما أسخط الله من الانهماك في المعاصي والشهوات والمحرمة أي الله سبحانه وتعالى يكره السخط ça ressemble à le fait de détester une chose فالله سبحانه وتعالى déteste هذه الأمور المعاصي le fait de suivre ses passions قال وكره رضوانه أي كره ما يرضيه من الإيمان والأعمال الصالحة هذا حالا أعدى إلا حال الكفار أنهم يرسبكتوا با les interdits بل ils les font et ils détestent رضوانه يدتست دين الله ils se moquent et ils ne croient pas. قال فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم أي عاقبناهم والانتقام هو الشدة العقوبة. الأسف صفة ثابتة لله عز وجل. هنا on est obligé de faire un tambih أن الأسف كما بين الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم أنه il y a deux sens. الأسف le sens qui est connu de la plupart c'est الحزن la tristesse كما قال الله عز وجل إخبارا عن يعقوب أبي يوسف عليهم الصلاة والسلام يا أسف على يوسف يا أسف أي الأسف هنا بمعنى الحزن أي le père de Youssouf il était très très triste quand il a perdu son fils Youssouf عليهم الصلاة والسلام. Ça c'est le premier sens. Le deuxième sens الغضب la colère et c'est le sens du verset فلما آسفونا أي الله سبحانه وتعالى quand il s'est mis en colère contre eux وهذا نثبته لله عز وجل. أما le premier sens الأسف بمعنى الحزن فهذا لا يثبت لله عز وجل. لماذا؟ لأنه on a aucun دليل bien sûr et الحزن la tristesse c'est pas un attribut parfait. قال وقوله ولكن كره الله بعاثهم أي أبغض الله خروجهم معكم للغزو فثبتهم أي حبسهم عن الخروج معك. Donc Allah سبحانه وتعالى يكره والكراهة ça ressemble au bourde le fait de détester. ثم le dernier verset قال وقوله كبر مقتا أي عظم ذلك في المقت وهو البغض. المقت ça ressemble au bourde et ça ressemble à الكراهة. فces trois mots المقت والبغض والكراهة le sens il est proche c'est le fait de détester. قال ومقتا منصوب على التمييز إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى يدتس certain choses. Dans le verset قال أن تقولوا ما لا تفعلون. فالله سبحانه وتعالى يدتس ces choses. هذه c'est une فائدة عظيمة. أن ces attributs, أولا, on doit avoir la conviction que c'est des attributs d'Allah سبحانه وتعالى. Pourquoi? Parce qu'on a des versets clairs. Vous avez remarqué que l'imam Ibn Taymiyyah رحمة الله عليه, c'est إمام كبير من أئمة السنة جدد الله به دين الإسلام وعقيدة المسلمين avec cette عقيدة et d'autres ouvrages. Vous avez remarqué que Cheikh al-Islam il n'emmène rien de lui-même dans هذه العقيدة. Même les titres qu'on a dans le char de Cheikh al-Fawzan, c'est pas min kalam al-Imam al-Taymiyyah. C'est Cheikh al-Fawzan qui les a mis pour faciliter. Wa ila Cheikh al-Islam il a cité les versets les uns après les autres. لماذا لأن les versets en réalité ils suffisent aux mu'mins. Et à notre époque, bien sûr, on est obligé de simplifier, d'expliquer. Il y en a beaucoup de gens, probablement, ils ne comprennent pas certaines choses. L'aqidat al-salaf, elle est très très simple. On doit se soumettre. Et cette soumission, elle doit nous pousser à mettre en application. On doit faire attention de ne pas dire des choses qu'on n'applique pas, de se contredire, ayyadam billah. Là, si on dit une chose, on doit la faire autant que possible, chacun selon ses capacités. ثم قال الشاهد من الآيات أن فيها وصف الله بالغضب والرضا واللعن والانتقام والكراهية والأسف والمقت. Tous ces معاني تقدمت معنا dans les versets. قال وهذه كلها من صفات الله. Tout ça c'est des attributs d'Allah سبحانه وتعالى. كلها من صفات الأفعال. التي يفعلها جل وعلا متى شاء إذا شاء كيف يشاء وأهل السنة يثبتون ذلك لله كما أثبته لنفسه على ما يليق بجلاله. نعم. Tous ces attributs, ça fait partie des صفات الفعلية أي المتعلقة بالمشيئة. C'est pour ça que قال متى شاء إذا شاء كيف شاء. الله سبحانه وتعالى il a ses أو نعم et مثلا il se met en colère متى شاء إذا شاء كيف شاء. Et bien sûr, il y a des causes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité certaines causes dans les versets. مَتَلَنَا تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَذَلِكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَلْعَنُ celui qui tue un mu'min volontairement. Enfin, tout ça, c'est des sifat fi'liya qui sont liées à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ahl al-Sunnah, يُثْبِتُونَ هَذِهِ الصِّفَاتِ. Contrairement à Ahl al-Zayr wa al-Dalal, ils ont accepté certains attributs من الصفات الذاتية comme al-ilm, comme al-qudra, comme d'autres sifat, al-hayat, etc. Les attributs que l'Ash'ara, ils acceptent. Amma sifat ou l'af'al, ils les ont rejetés. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, et on conclut avec hada. Dans son charh, radda bi raddin jamil, il a réfuté ceux qui rejettent ces attributs, qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas l'attribut de la colère, de Al-Karahiyya, de Al-Asaf, de Al-Sakhat, de Al-Maqt, etc. Les malades, d'aimer la même chose. Ils disent que ces choses, maintenant, se mettre en colère, ils disent que Al-Insan, quand il se met en colère, il rougit. Et son sang, il chauffe. Akada, et il se fout Al-Insan. L'être humain, quand il se met en colère, c'est marou. Ils disent Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas avoir cet attribut. Andoro. En comparaison à l'être humain, qui est-ce qui a prétendu à Allah subhanahu wa ta'ala quand il se met en colère, il est comme l'être humain? Cette muqaddima, ils ont fondé leur aqidah sur des principes qui n'existent pas. C'est pour ça qu'ils se sont égarés. Nous, on dit Allah subhanahu wa ta'ala, il se met en colère, c'est pas comme l'être humain. Bien sûr, l'être humain, quand il se met en colère, il rougit, il hausse la voix, il dit certaines choses, il fait certaines choses. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Rabb. Il se met en colère et c'est le créateur et on ignore comment. Est-ce que c'est comme la colère de l'être humain? Jamais. Abadan. Laysa kamithlihi shay. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Qawluhu falamma asafuna intaqamna minhum. Qala fiha raddun ala man fassaru as-sakhat wal-ghadab bil-intiqam. Vous vous rappelez anna ar-ridha, ils l'ont expliqué avec l'ihsan ou iradatu l'ihsan. Al-ridha ay la satisfaction, ils l'ont expliqué par vouloir récompenser. Al-ghadab ou al-asaf, le fait de détester, se mettre en colère, les attributs qu'on a vus ensemble, nous, al-ash'ira, ils ne le rejettent pas directement. Les mal, les nécessités dans le Coran, mais ils disent, le sens c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il va les châtier. Mathalan, qawluhu wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan ila akhirih, qala azza wa jal, وغضب الله عليه. Eux, ils ont expliqué غضب par Allah subhanahu wa ta'ala, il va le châtier. انظروا. Ils acceptent pas l'attribut. Là, ils ont expliqué par par Rubama, si Allah subhanahu wa ta'ala, il se met en colère contre un de ses serviteurs, non, il peut le châtier. Il peut lui pardonner. Lakinhum, ils ont expliqué par le châtiment. قال الشيخ ابن عثيمين ففيها رد على من فسروا السخط والغضب بالانتقام لأن أهل التعطيل من الأشعرية وغيرهم يقولون إن المراد بالسخط والغضب الانتقام. الانتقام سي شاتي دونك أو إرادة الانتقام. Et ça c'est une فائدة أن هؤلاء la plupart des attributs الصفات الفعلية il les explique par الإرادة. إرادة كذا إرادة كذا. C'est la volonté de telle chose, la volonté de telle chose. مثلا الرضا c'est la volonté de récompenser. الغضب c'est la volonté de châtier. Ils expliquent beaucoup par la volonté. لكن ce verset c'est une réfutation contre هؤلاء. فتأملوا. Suivez. قال ولا يفسرون السخط والغضب بصفة من صفات الله يتصف بها هو نفسه. أما le fait d'avoir la conviction et d'affirmer en Allah subhanahu wa ta'ala elle a l'attribut de al-sakhat et al-ghadab et al-asaf etc. Al-ash'ara là eux ils disent c'est pas le sens voulu, le sens voulu c'est autre et ils déforment. Fayaqulun ghadabuhu ay intiqamuhu aw iradatu intiqami fahum imma yufassiru al-ghadab bil-maf'ul al-munfasil 'an Allah wa huwa al-intiqam imma ils expliquent, ils interprètent l'attribut par le châtiment et c'est très très grave. Le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'enfer c'est une créature. Ils expliquent un attribut d'Allah azza wa jalla par une créature. Ils expliquent par quoi? Par la récompense. Et parmi les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plus grande récompense c'est le paradis. Et le paradis c'est une créature. Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé le paradis et l'enfer. Et ils expliquent un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala par une créature. Ou par la volonté. Ou bil irada, li'annahum yuqirruna biha. ولا يفسرونه بأنه صفة ثابتة لله على وجهه الحقيقي التي تليق به ونحن نقول لهم شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه il a répondu بقوله بل السخط والغضب غير الانتقام والانتقام نتيجة الغضب والسخط. Il y a une différence entre الغضب la colère et الانتقام le châtiment. Ben Cheikh Ibn Uthaymeen, il a bien précisé le châtiment c'est la conséquence de la colère et si Allah il se met en colère il peut châtier. قال كما نقول إن الثواب نتيجة الرضا. Comme on a vu ensemble auparavant, la récompense c'est la conséquence de la satisfaction. Et ça suit. Enfin, c'est pas l'attribut lui-même. قال فالله عز وجل يسخط على هؤلاء القوم ويغضب عليهم ثم ينتقم منهم. وإذا قالوا إن العقل يمنع ثبوت السخط والغضب لله تقدم معنا. S'ils disent لكن la raison, on dit et si on suppose que la raison elle n'accepte pas sa tribu, on a des textes du Coran. قال فإن نجيبهم بما سبق في صفة الرضا لأن الباب واحد. Et on l'a vu au début du cours. ونقول بل العقل يدل على السخط والغضب فإن الانتقام من المجرمين وتعذيب الكافرين دليل على السخط والغضب وليس دليلا على الرضا ولا على انتفاء الغضب والسخط. ونقول هذه الآية فلما آسفونا انتقمنا منهم ترد عليكم لأنه جعل الانتقام غير الغضب لأن الشرط غير المشروط. تأملوا سوفيرسي فلما آسفونا انتقمنا منهم. Vous avez remarqué que Allah il a cité sifat al-asaf et on a dit c'est bima'na al-ghadab. Al-asaf parmi les sens c'est la colère. Donc quand ils ont mis en colère Allah, intaqamna minhum, il les a châtiés. Vous avez remarqué que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il a cité l'intiqam, le châtiment. Donc comment expliquer l'attribut par le châtiment alors que le châtiment il est déjà cité? Enfin, si on explique comme ils disent eux, ay al-ash'ara les égarés, falamma intaqamna minhum. Il y a une répétition. C'est impossible là, dans le Coran Karim. Ça montre que Al-Asaf, bima'na al-ghadab, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le sens, il est clair en langue arabe. Allah subhanahu wa ta'ala, il se met en colère contre les égarés, contre les mécréants, etc. La conséquence de cette colère, intaqamna minhum. Allah, il les châtiera. Enfin, comment expliquer l'attribut par l'intiqam alors que l'intiqam, il est déjà cité dans ce verset? Hada raddun qawi. Essaye de t'en rappeler, Akhil Karim, il te sera utile jitten fi hada al-bab et pour répondre à ses égarés. Amma le fruit de cette croyance, fa kama taqaddam, anna on s'écarte des choses que Allah subhanahu wa ta'ala il déteste et des choses qui le mettent en colère, la mécréance, l'égarement, ne pas lui obéir, ne pas être reconnaissant. avoir un mauvais comportement, ne pas suivre son prophète, alayhi salatu salam, se moquer de son din, ne pas placer sa confiance en lui, ne pas croire au destin. Hey, le fait de ne pas se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, wa nas'aluhu azza wa jalla at-tawfiq wa sadat, wa naktafi bi hadha al-qadr, et on passe à notre deuxième dars, bi idnillahi azza wa jalla.